faire de la recherche qui plus est fondamentale lorsque l'on est déraciné, en fuite, arraché de son pays, de ses proches, de sa famille, en exil, réfugié dans un pays étranger. Cette question qui se pose aujourd'hui en 2019, il y a les scientifiques qui fuient les guerres en Afrique ou au Proche-Orient, elle s'est posée tout au long de l'histoire et certainement de façon encore plus prégnante pendant la Seconde Guerre mondiale, avec ces savants qui ont fui l'Allemagne nazie et qui ont continué malgré le contexte à avancer dans leurs recherches, notamment autour de la superfluidité de l'hélium, mais aussi en apportant leur expertise à leur pays de refuge, les États-Unis, sur la fission nucléaire jusqu'à la bombe. Savants cherchent refuge, c'est le problème historique qui va nous occuper pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et ce problème, ce pont entre le passé et le présent, c'est l'histoire que raconte notre invité du jour. Bonjour Sébastien Balluard. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Vous êtes physicien au laboratoire Pierre Aigrin de l'École Normale Supérieure, membre de l'Académie des Sciences, et vous publiez chez Odile Jacob ce livre, Savants cherchent refuge, comment les grands noms de la science ont survécu à la Seconde Guerre mondiale, dont nous allons parler tout au long de cette heure, puisqu'on va partir de l'histoire, du passé, pour arriver au présent et à un programme auquel vous contribuez, qui s'appelle le programme PAUSE, dont nous avions déjà parlé ici, et qui s'occupe effectivement d'accompagner des chercheurs étrangers réfugiés sur le sol français. Je rappelle à nos chers auditeurs que vous pouvez nous écouter comme chaque jour en direct sur les ondes, en différé sur franceculture.fr et en podcast via votre application préférée, mais comme toujours en complément sur notre fil Twitter où Noémie Naguet, tout au long de l'heure, va poster et poste déjà un certain nombre de liens qui viennent compléter l'écoute de cette émission. Alors peut-être pour commencer, par le commencement, comme le veut la formule idoine Sébastien Balluard, quel est le point de départ de ce livre? Pourquoi vous êtes intéressé, pas à tous les savants, mais à un savant en particulier, deux disons, qui ont un parcours singulier au cours de cette période mouvementée qui est l'accession des nazis au pouvoir en 1933 en Allemagne et la Seconde Guerre mondiale. Vous souhaitez que je vous parle de moi-même pour commencer? Allons-y. Allez-y si vous voulez. Il se trouve que quand j'étais un jeune étudiant en thèse, je préparais ma thèse de doctorat, je suis tombé un peu par hasard sur un liquide extrêmement bizarre qui est l'hélium liquide. Alors, c'est un liquide extrêmement froid et pour vous dire à quel point il est bizarre, disons que par exemple, contrairement à l'eau, quand vous mettez de l'eau dans un verre, l'eau reste au fond quand même. Bon, quand vous mettez de l'hélium liquide suffisamment froid, c'est-à-dire à moins 270 degrés en gros, proche du zéro absolu. Proche du zéro absolu qui est à moins 273, bon. Kelvin, donc à 0 Kelvin, c'est la limite où la matière s'arrête et donc la température est nulle, disons. Bon. Donc, quand on met de l'hélium liquide dans un verre très froid, eh bien, le liquide remonte sur les bords du verre, fait le tour du bord et redescend en dessous et ça goutte à goutte, le verre se vide tout seul. Bon, quand même assez étrange. Mais pour ma thèse de doctorat, en fait, je m'intéressais à la manière dont l'hélium liquide boue. Alors pareil, moi j'aime bien les comparaisons avec la vie ordinaire. Donc quand vous mettez de l'eau dans une casserole, eh bien quand vous approchez de 100 degrés, ça bouillonne partout, il y a des bulles, etc. Bon, eh bien dans l'hélium liquide, quand vous chauffez un récipient qui contient de l'hélium liquide, tant qu'il n'est pas trop froid, ça bouillonne effectivement comme un liquide ordinaire. Mais quand vous descendez en dessous de 2 degrés absolus, alors ce coup-là ça fait moins 271 en degrés Celsius habituel, eh bien ça devient parfaitement calme, comme s'il y avait une sorte d'ordre qui s'établissait dans ce liquide, et ça s'évapore en fait par la surface, mais il n'y a pas de bulle, parce que ça conduit très bien la chaleur, etc. Bon. Donc, superfluidité, supraconductivité. Oui, alors, attendez une seconde. Et donc, je me suis intéressé à cette évaporation de ce liquide qui a l'air de ne pas vouloir bouillir à basse température. Ceci étant, j'ai trouvé une analogie avec l'effet photoélectrique de Einstein et donc j'étais assez fier et j'ai même eu un petit prix pour cette première découverte, j'étais très jeune. Bon, passons. Et donc, je m'intéressais à ce liquide qu'on appelait superfluide parce que un Russe d'un côté et un Canadien immigré à Cambridge avaient découvert qu'il coulait extraordinairement vite à travers des toutes petites fentes ou des tout petits capillaires, des petits tuyaux extrêmement fins, comme s'il n'avait aucune viscosité. Et donc ce Russe qui s'appelait Piotr Kapitsa a appelé ce liquide un superfluide. Bon. Donc je connaissais un peu des choses là-dessus. Et puis en l'an 2000, j'ai été invité par Yves Michaud à l'Université de tous les savoirs, qui m'a demandé de donner un exposé grand public sur ce liquide, la superfluidité. Bon. Alors j'ai commencé là vraiment à me plonger un peu dans l'histoire de tout ça, et je me suis aperçu que l'une des personnes qui avait compris le pourquoi de ce phénomène étrange, qui s'appelait Laszlo Tisza, était un Hongrois qui s'était réfugié en France en 1938 à Paris, au Collège de France, et que là, il avait rencontré un autre réfugié qui, lui, était d'origine allemande. En fait, il venait de Breslau, qui s'appelle Wrocław en Pologne aujourd'hui. Bon, et ils s'étaient donc rencontrés à Paris, sur la montagne Sainte-Geneviève. L'autre était à l'Institut Henri Poincaré. Et en quelques mois... Fritz London, et merci. Bon. Et en quelques mois, ils ont compris quelque chose qui, à mon avis, évidemment, je suis physicien, mais quand même, est une découverte fondamentale. C'est que la physique moderne qu'on appelle quantique, qui a des idées, si j'ose dire, très étranges, comme quoi les particules sont des objets localisés, mais aussi des ondes qui sont partout à la fois, ce qui est quand même bizarre, contradictoire, et bien que cette physique quantique non seulement permettait de comprendre l'intérieur des atomes, l'échelle microscopique, mais aussi peut-être les propriétés de ce litre d'hélium liquide froid qui avait des propriétés invraisemblables. Et ça, je crois que c'est le saut du microscopique au macroscopique d'une théorie révolutionnaire qui est une découverte fondamentale. Alors, je me suis aperçu à ce moment-là que donc l'un de ces protagonistes, l'un de ces deux réfugiés, était maintenant au MIT à Boston, hein, et qu'il avait 93 ans. On m'a dit que je pouvais essayer de le contacter. Je l'ai contacté par email. C'est Laszlo Tisza. Et à 93 ans, il m'a répondu, et on a fait connaissance, et on s'est plus quitté jusqu'à sa mort, dont je parle, mais c'est pas là exactement le sujet dont il veut parler tout de suite. Bon. Et donc, progressivement, tout ça pour vous dire que je me suis intéressé à l'histoire de cette découverte. Et là, j'ai découvert quelque chose qui m'a entraîné beaucoup plus loin, à savoir que les conditions dans lesquelles ils ont fait cette découverte, qui nécessite quand même de penser sérieusement, hein, de se concentrer sur des idées difficiles, eh bien, les conditions étaient incroyables, parce que c'était juste avant la guerre, eux-mêmes étaient en fuite, la politique en France devenait gravissime bien avant l'arrivée de Pétain au pouvoir, hein, Daladier, on peut en parler si vous le voulez, d'ailleurs je le souhaite, l'atmosphère devenait terrible en France. Et pourtant, ils se concentraient sur des choses fondamentales. Bon. Et donc, j'ai voulu comprendre pourquoi, comment ça s'était passé. Et puis après, ça s'est enchaîné. Voilà. C'est quelque chose que vous écrivez qui est vraiment une interrogation récurrente tout au long de ce livre. Là, je cite, c'est l'une des occurrences, parce qu'il y en a vraiment plusieurs, on est page 116. Vous écrivez, Sébastien Balibar, « Je n'arrive toujours pas à comprendre comment, face à la menace croissante de la guerre, face au développement effrayant de l'antisémitisme et de la xénophobie en France, Fritz London et Laszlo Tisza ont pu réfléchir aux subtilités de la physique quantique à l'échelle macroscopique. Était-ce pour eux une sorte de ballon d'oxygène, un moyen de penser à autre chose? Peut-être, mais alors quel courage, quelle force de caractère, quelle noblesse d'esprit aussi pour n'avoir pas fait d'amalgame abusif entre ceux qui les avaient accueillis et défendus et ceux qui progressivement organisaient leur extermination. » Et oui, c'est effectivement ce que je pense. Je suis sincère dans ce livre, vous savez. Et donc, je me suis mis à faire de l'histoire ce coup-là. Et donc, je me suis aperçu que, effectivement, moi, vous savez, quand je fais de la recherche scientifique, j'ai quand même besoin de silence et de concentration. Donc, si je suis pourchassé par des lois xénophobes qui vont devenir clairement antisémites, par la création en France de camps d'internement qui vont devenir des camps de concentration, où un certain nombre de grands esprits, que ce soit des grands écrivains, des grands artistes ou de grands scientifiques, en particulier le prix Nobel de médecine Otto Meyerhoff, ont été internés dans des camps de concentration qui ont été ouverts exactement au moment où mes deux réfugiés, Laszlo Tisza, hongrois, et Fritz London, allemand, essayaient de comprendre un phénomène inconnu jusqu'alors. Eh bien, pendant ce temps-là, on ouvrait des camps de concentration qui allaient le devenir, en tout cas en France, plusieurs, et leur vie était en danger. Et c'est d'ailleurs bien pour ça qu'ils se sont enfuis assez rapidement. Enfin, aussi vite que possible, je devrais dire, parce que c'était très compliqué de s'enfuir. Et au passage... Ils sont partis de France, hein, pour aller aux États-Unis. Ils sont partis de France, oui. Alors, pour aller aux États-Unis, il fallait un visa. on pouvait, fallait d'abord obtenir le visa avant de pouvoir prendre un bateau. Bon, c'était pas facile. Maintenant, les scientifiques, les immigrés scientifiques, ils sont pas tout à fait comme les immigrés ordinaires parce que la physique était déjà mondialisée à l'époque. D'ailleurs, ça, ça fait partie de mon livre aussi. Parce que je décortique la façon dont cette découverte a été faite et on s'aperçoit que ça se passe à Cambridge, au Canada, à Leyde, en Hollande, à Moscou, etc. En Ukraine. Et que tous ces gens-là se connaissent, se rencontrent. Parfois s'opposent, mais généralement finissent par se mettre d'accord. Donc on en profite pour voir comment la vérité scientifique s'établit. Je veux dire, tout ça, c'est de l'histoire des sciences, mais moi, ça m'a beaucoup, beaucoup passionné. Bon. Et donc, Fritz London avait des relations, donc il a réussi à se faire inviter aux États-Unis. Il est parti en Caroline. Bon. Et puis l'autre, le Hongrois, il a eu beaucoup plus de difficultés. Il a bien failli y rester. En fait, ils sont sortis miraculeusement l'un et l'autre. Mais lisez le livre, vous verrez. Vous allez nous en raconter une partie et puis on va essayer de reprendre le fil chronologique de cette histoire. Non, un mot pour conclure cette introduction. Si oui, vous m'excusez, Simor, c'est que évidemment cette histoire-là, elle résonne avec un autre de vos investissements, c'est cet investissement dans le programme PAUSE pour programme accueil en urgence des scientifiques exilés. Oui. Vous faites partie du comité de parrainage. Oui. Voilà. Oui. Oui, donc on en parlera peut-être plus davantage tout à l'heure, oui, mais ce qui est important, effectivement, c'est... l'une des choses qui m'a aussi frappé, c'est de retrouver les mêmes arguments en 1938 et aujourd'hui. Par exemple, il y a des gens qui disent « Ah, oh, les immigrés, ils vont nous piquer notre travail ». C'est un peu vulgaire, mais je m'exprime comme les gens qu'on entend dire ça. Bon. C'est une contre-vérité monstrueuse. Au contraire, l'immigration, à mon avis, est une richesse. Et il faut profiter de la présence d'immigrés pour s'enrichir de leur culture, de leurs connaissances, etc. Et dans le cas des savants, c'est particulièrement vrai. Et donc, vous voyez, il y avait un parallèle qui s'est vite, qui est vite apparu entre le refus des immigrés, le rejet des immigrés à l'époque, et ce à quoi on assiste aujourd'hui. Alors, pour une autre raison qui fait que je me suis mis à écrire ce livre progressivement, à savoir le colloque de rentrée du Collège de France en 2016. C'était donc il y a 2 ans. Patrick Boucheron, historien admirable comme tout le monde sait, avait appelé ce colloque de rentrée migration refuge non ça y est je me rappelle plus très bien. Bon, et donc il s'agissait des migrations et des exilés et des réfugiés, et on m'a demandé si je voulais bien donner ce point de vue des physiciens, des scientifiques à l'époque. Bon, et donc c'est en faisant ça que, à la même époque, le programme PAUSE d'accueil des universitaires en danger, en urgence, PAUSE, programme d'aide en urgence aux scientifiques en exil, je crois. Programme d'accueil en urgence des scientifiques exilés, ce qui est exactement la même chose. Voilà. C'était un programme qui se mettait en place au Collège de France, qui a toujours été en première ligne d'un point de vue politique sur ces problèmes d'immigration, et qui l'est toujours. J'ai demandé si on avait besoin de moi, on m'a dit tout de suite oui, et je me suis engagé dans l'accueil des scientifiques en France aujourd'hui. Donc je fais partie du comité de parrainage, c'est-à-dire que je donne une évaluation de leur programme scientifique et de leur degré d'urgence, de leur menace, si vous voulez. Oui. La méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h15, nous sommes donc en compagnie tout au long de cette heure de Sébastien Balibar, physicien, auteur de Savants cherchent refuge, comment les grands noms de la science ont survécu à la Seconde Guerre mondiale, c'est chez Odile Jacob. On peut peut-être reprendre un peu le fil chronologique de l'histoire de ces deux chercheurs, notamment de Laszlo Tisza, qui est un peu votre personnage principal et dont la carrière scientifique est déjà très tôt déterminée par l'antisémitisme qui règne en Allemagne et qui l'empêche de faire le métier qu'il voudrait, que son père voudrait le voir exercer, en l'occurrence libraire. Oui, effectivement. Au passage, l'écriture de mon livre est volontairement pleine de digressions, parce que en suivant l'itinéraire de mes deux héros, surtout l'un qui est effectivement ce Hongrois, Laszlo Tisza, on en rencontre plein d'autres. Et on s'aperçoit progressivement, il y en a plein. On s'aperçoit, par exemple, que ces trois autres Hongrois qui ont été voir Einstein en 1939 pour prévenir Roosevelt que les nazis étaient susceptibles de construire la bombe atomique. Donc, on y reviendra. Jusqu'où on va. Bon. On y reviendra tout à l'heure. Et donc... qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Je disais qu'au début, déjà, l'asclotissane ne s'engagerait pas dans les mathématiques si on n'était pas déjà dans un climat de montée de l'antisémitisme. Oui, effectivement. Donc, c'est pour dire que dans mon livre, il y a aussi beaucoup d'anecdotes qui ont toute une valeur historique, souvent. Bon. Alors, effectivement, l'asclotissane était le fils d'un libraire. À Budapest, il était très brillant élève à Buda, d'ailleurs, pas à Pest, mais c'est à côté, comme tout le monde sait. Et donc, il était très très fort en mathématiques et en physique, et donc il avait envie de faire des études universitaires dans ces matières-là. Mais son père considérait que c'était pas des vrais métiers, ça. Et puis sa mère prétendait que les mathématiques, ça lui donnait une maladie de cœur. Et donc, dans ces conditions, il voulait pas désobéir à son père. Et donc, il est allé voir un libraire à Bonn, je crois me souvenir, hein, et en lui demandant s'il pouvait faire un stage chez lui, quoi. Et donc, le libraire lui a dit, mais vous êtes juif, hein? Et il a répondu oui, quoique la question ne s'était pas encore vraiment posée à lui. Il n'était pas croyant ni pratiquant la religion. Mais bon, comme vous savez, la définition d'un juif, ça a eu des critères grâce aux nazis sur l'histoire de grand-père et de grand-mère. Bon. Et donc, le libraire de Bonn lui a dit, écoutez, c'est pas possible. Mes clients n'accepteraient ça jamais. Et donc, c'est grâce à ça qu'il est allé à Göttingen, en Allemagne, faire des études de physique et de chimie, et de mathématiques, pardon, conjointes, parce qu'il aimait les deux et il hésitait entre les deux. Et là, c'était, alors ça, c'est un autre aspect de mon livre, d'ailleurs, à Göttingen, il y avait une concentration des plus grands savants en mathématiques, en mécanique des fluides et en physique fondamentale, que ce soit la thermodynamique ou la physique quantique, extraordinaire. De même, d'ailleurs, dans beaucoup d'autres capitales allemandes, telles que Berlin, etc. Bon. Vous expliquez qu'ils croisent effectivement les plus grands noms. Ils croisent les plus grands, soit parce que c'est ses professeurs, soit parce qu'ils travaillent avec eux. Alors c'est comme ça donc que... Donc on parle de Schrödinger, de Bohr... Bien sûr, on parle de Schrödinger et de son chat, bien sûr. de Bohr, bien sûr, de plein de gens très célèbres comme ceux-là. Bon. Alors, il y a ceux qui sont restés en Allemagne, comme Heisenberg, qui est célèbre pour son principe d'incertitude, qui a mis un peu, qui a expliqué que non, la science n'était pas toujours susceptible de tout comprendre. Bon, ce qui était quand même, d'un point de vue philosophique, révolutionnaire. Bon, et puis plein d'autres comme ça. Bon, alors en particulier, et ça va être vrai de mon autre immigré, Fritz London cette fois-ci, qui venait lui aussi un peu partout d'une université à l'autre. Ils ont fait rien que moins que créer la chimie moderne. C'est eux qui comprennent. Alors c'est que London est chimiste. Oui. Hein. Oui, il est chimiste, il est physicien, chimiste, quantique, tout ça. Les limites ne sont pas aussi clairement définies qu'elles le seraient aujourd'hui. Effectivement, à l'époque, je pense que les gens étaient moins spécialisés. Et donc ça permettait à des gens comme Fritz London, alors cette fois-ci, donc mon réfugié allemand, de commencer par des études de philosophie, d'avoir un doctorat en philosophie, avant de se spécialiser en physique théorique, ce qui est quand même assez loin aujourd'hui. Mais à l'époque, on pouvait faire les deux. Quoi. Bon. Et donc, Fritz London, il est le premier à avoir compris la liaison chimique la plus simple. C'est-à-dire comment deux atomes d'hydrogène, H et H, font une molécule d'hydrogène H2. Et donc, ils ont compris que ça, c'était de la physique quantique, justement. Et pourquoi à l'époque, on trouve à l'état naturel du dihydrogène et pas d'hydrogène seul ? Absolument. C'est ça, c'est-à-dire qu'il faut. Mais vous avez lu mon livre, on dirait. Un petit peu. Bon. Ce faisant, ils ont fondé la chimie moderne, rien que ça. Bon. Donc, c'est pour vous dire que mes personnages, vous les connaissez peut-être pas tous, mais c'est des héros de la science moderne. Hein. Bon. Et quant à mon Hongrois, là, Tissa, lui, il a compris le premier, la nature, la structure de la molécule de méthane. Alors, le méthane, il y en a quand même un peu partout, CH4. Y compris qui pollue l'atmosphère en ce moment. C'est un gaz à effet de serre très puissant. Bon. Alors, CH4, c'est intéressant aussi parce que c'est une molécule un peu bizarre. Alors, des questions de symétrie, alors, comme mathématicien, ça l'intéressait, etc. Bon, ils ont fait tout ça, donc ils ont eu un début en chimie théorique, si vous voulez. Ce qu'on peut rappeler, ce que vous rappelez très bien dans le, dans le début de ce livre, c'est que jusqu'à l'accession de Hitler au pouvoir, jusqu'à 1933, c'est une période extrêmement propice, stimulante. L'Allemagne est très à l'avant-garde des sciences. Elle s'est industrialisée, elle a vraiment développé une recherche qui est une recherche de pointe. Oui, alors propice, stimulante, je ne suis pas sûr d'être d'accord, en tout cas, si j'ai bien compris ce que vous vouliez dire. Parce que dès 1933, ça devenait extrêmement grave. Bon. Là, c'est jusqu'à l'accession d'Hitler au pouvoir. Certainement. C'est ce que je viens de vous dire. Oui, avant 1933, l'Allemagne était à la pointe de la science moderne. Mm-hmm. Brillante à un point que la science allemande dominait le monde entier, pratiquement. Bon. Et ce qui s'est passé, bien sûr. Un nombre de prix Nobel très important, un tiers des prix Nobel. J'ai plus les chiffres en tête, mais vous les donnez. Voilà, oui. Mais justement, mon livre, c'est pas un essai avec des statistiques. 23 des 71 prix Nobel entre 1901 et 1933. Voilà. Voilà. Bon, c'est assez extraordinaire. Un tiers. Bon. Et donc, ce qui s'est passé et qu'on découvre, que j'ai découvert moi-même en faisant des recherches quand même assez considérables dans les archives, etc. Ce que j'ai découvert, c'est que pratiquement, enfin, pas tous, parce qu'il y en a quelques-uns qui sont restés, qui admettaient le nazisme, etc., mais ils étaient rares, et tous les autres se sont enfuis. Bon, d'abord parce que l'antisémitisme était virulent dès 1933, et qu'on brûlait les maisons, les œuvres, etc., depuis Brecht jusqu'à plein d'autres. Et donc, ils sont tous enfuis, les uns en Angleterre, les autres en France et les autres aux États-Unis tout de suite, comme par exemple Einstein, justement. Bon. Qui part très tôt, oui. Et donc, c'était très intéressant de voir quels étaient, comment se comparait l'accueil des immigrés qui emmenaient leur science avec eux à l'Ouest. Eh bien, les Anglais ont fait plus vite et plus efficacement que les Français, et je me suis demandé pourquoi. Et là, si vous voulez, j'ai réalisé que pour pouvoir accueillir des savants étrangers, il faut une combinaison de plusieurs facteurs. D'abord, il faut qu'il y ait sur place des intellectuels courageux qui fondent un comité d'accueil afin d'organiser l'accueil de ces savants sur place. Donc c'était le cas en France, grâce à un biologiste originaire de Biélorussie, qui était lui-même un immigré d'ailleurs, qui s'appelait Louis Rapkin, et qui plus tard a travaillé à l'Institut Pasteur, qui a joué un rôle extrêmement important dans l'aide aux réfugiés. Bon. Et en Angleterre, c'était plutôt Rutherford, qui était prix Nobel de chimie, en fait, mais qui faisait de la chimie qui ressemblait beaucoup à de la physique, à mon avis, à savoir que c'est l'un des fondateurs de la physique nucléaire, si vous voulez. Bon. Donc, il y a ces comités qui, et aux États-Unis aussi, il y avait le Emergency Rescue Committee qui s'occupait d'organiser l'arrivée de ces immigrés. Ensuite, il fallait être reconnu, au moins un peu, officiellement, c'est-à-dire avoir être déclaré d'utilité publique, comme on dit en France. Et donc ça a été le cas en Angleterre, plus vite qu'en France, où il a fallu attendre que le Front Populaire soit en place, pour que le Front Populaire, qui avait eu l'intelligence d'engager des prix Nobel comme ministre, dont Madame Irène Joliot-Curie, qui était la première femme au gouvernement, alors que les femmes n'avaient même pas le droit de vote à l'époque. Enfin, tout le monde sait peut-être ça, mais quand on lit dans les détails, c'est quand même assez extraordinaire. Donc, ensuite, grâce au soutien, ou à la reconnaissance, disons, des gouvernements, et en France, ça n'a pas duré très longtemps, hein, comme le Front Populaire, bon. À ce moment-là, ces comités d'accueil peuvent faire appel à du mécénat. Et donc, ça a été la Fondation Rockefeller aux États-Unis, la famille Rothschild, et puis Robert Debré, le grand médecin qui était le père de Michel Debré, l'homme politique, et de Olivier Debré, le peintre. Bon. Donc, ces gens-là et beaucoup d'autres ont donné de l'argent. L'homme politique, c'est Jean-Louis Debré. Michel Debré, c'est le médecin. Non, Jean-Louis Debré, c'est le fils de Michel Debré. Celui-là, c'est le fils, c'est Robert Debré. Autant pour moi, j'ai sauté une génération. Non, mais je vous en prie, vous savez, moi, peu importe. Et donc, il faut ces trois composantes, si vous voulez, pour arriver à accueillir les gens. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'ils arrivent, ils ne peuvent pas avoir un poste, disons, stable immédiatement. Et donc, ils ont une bourse le temps d'organiser. Bon, alors, en France, c'est encore à nouveau très intéressant. Le Front Populaire a créé trois choses, disons, établissements très importants. L'un, c'est le CNRS, qui d'ailleurs s'appelait la CNRS, la caisse au lieu de le centre, et qui a été finalement le CNRS, mais seulement en 39. Bon. C'est parce que c'était une caisse de financement, hein. C'est une caisse qui donnait des bourses justement pour. Oui, a été créée par Jean Perrin. Oui, effectivement. Bon, c'est assez compliqué, mais il s'agissait entre autres de contourner l'obligation de nationalité française pour avoir un poste stable, quoi, disons. Il y a une différence entre les fonctionnaires et les gens sur bourse de l'État, hein, mais bon. Et donc, la création du CNRS a donné beaucoup de souplesse à l'embauche d'étrangers, vous voyez. Alors, ça, c'était la première chose que le Front populaire a faite. La deuxième chose, c'était de créer l'Observatoire de Haute-Provence, où parmi les merveilles qu'a fait l'Observatoire de Haute-Provence, il y a la découverte des premières exoplanètes. Il n'y a pas que la Terre, etc., autour du Soleil. Il y a d'autres étoiles avec d'autres, comme vous savez sûrement, parce que vous avez sûrement parlé des exoplanètes. Ça nous est arrivé. Belle émission. Bon. Et puis, enfin, ils ont créé le Palais de la Découverte. Alors, moi, j'aime beaucoup le Palais de la Découverte. C'est un endroit admirable où on voit comment on comprend des expériences qu'on fait soi-même ou qu'on vous explique. Et le rôle du Palais de la Découverte dans le déclenchement de vocations scientifiques dans le grand public a toujours été extraordinaire. Soit dit en passant, en ce moment, ça va très mal au Palais de la Découverte, à mon avis. Mais c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Je peux vous venir pour vous défendre le Palais de la Découverte ces jours, mais on ne va pas parler de ça maintenant. On en parlera dans notre émission. Et donc, émission. En Angleterre, ça a été plus vite. Et donc, ils avaient 3 ans d'avance. En gros, ils ont accueilli en particulier des réfugiés allemands dès 1933, alors que la France, il a fallu attendre 1936. Bon. Sauf que, et c'est le cas de Fritz London, au bout de 3 ans, en Angleterre, il n'y avait plus d'argent, quoi. Sa bourse, qui était cette fois, provenait du mécénat d'un industriel de la chimie, qui s'appelait Industrial Chemical Industries, Chemical Industries, en tout cas, ICI, de Robert Mundt, bon. Un mécène extraordinaire. Sa bourse était finie au bout de 3 ans, ils n'avaient rien prévu d'autre. C'est comme ça qu'il est venu en France, où heureusement c'était l'arrivée du Front populaire. Et donc il a eu une bourse de ce comité d'accueil fondé par Louis Rapkin, incognito, parce qu'en tant qu'étranger, il n'avait pas le droit de faire le moindre geste de politique. Hein. Bon, donc il se cachait derrière les très grands noms de la science française, tels que Jean Perrin, Paul Langevin, etc. Où est-ce que j'en étais? London arrive à Paris. Il a une bourse de ce comité, voilà. Grâce au mécénat, etc. Et puis après, il a un poste de maître de recherche au CNRS, comme on dirait aujourd'hui, et même un poste de directeur de recherche, parce qu'on lui fait passer une thèse de doctorat magnifique. D'ailleurs, c'est toute une histoire encore, cette doctorat. Bon. La supraconductivité, d'ailleurs. C'est la thèse de doctorat. Oui, à London. Parce que, alors, c'est peut-être le moment de le dire. Allons-y. En fait, il existe un mot qui ressemble à superfluidité, qui est supraconductivité. Et en fait, ces deux propriétés sont cousines, disons, parce que de même qu'un liquide superfluide coule sans résistance, donc très vite, même dans des petits des capillaires ou fentes très très fines, de même les électrons de certains métaux ou oxydes métalliques se déplacent à l'intérieur de ces métaux sans la moindre résistance électrique. Et donc la supraconductivité a de grandes applications très importantes, en particulier en médecine, puisque c'est ce qui permet de faire des scanners IRM pour tout le monde dans les hôpitaux aujourd'hui. Et donc au début, Fritz London s'intéressait déjà à la possibilité que la physique quantique bizarre s'applique aussi à des objets visibles. Il a d'abord pensé que ça pouvait expliquer cette supraconductivité, et après il a compris qu'en tout cas ça expliquait la superfluidité. Ouais. Et alors comment se rencontrent Fritz London et la Slotissa? Ça illustre le fait que ces chercheurs, la science étant mondialisée, ils ont des relations un peu partout. Alors, donc, parmi ses amis proches en Hongrie, il y avait trois autres Hongrois qui s'appelaient respectivement Léo Szilard, Eugène Wigner et Édouard Teller. Bon. Alors, son grand copain, si j'ose dire un peu vulgairement, c'était Édouard Teller, il connaissait très bien les autres. Et Léo Szilard Lui, il connaissait le monde entier. Il était un peu plus âgé, faut dire. Bon, et donc il connaissait Fritz London. Il savait que Fritz London était arrivé à Paris. Et à Paris, Fritz London, il était à l'Institut Henri Poincaré, mais il cherchait à avoir un collaborateur, quoi. Bon, et donc Léo Szilard a suggéré à London qu'il invite Tissa à Paris. Et donc il l'a invité, et il l'a invité à une grande conférence internationale qui avait lieu d'ailleurs au Palais de la Découverte, ce qui relie tout ça encore. Bon. En 38, hein, on est en 38 à ce moment-là. En 37. C'est seulement en 38 qu'ils vont, quelques mois, comprendre que ce superfluide, c'est une histoire de matière qui n'est pas un ensemble de particules, mais des ondes superposées qui se déplacent tout ensemble, où les particules sont indiscernables, et c'est grâce à ça que ça s'écoule sans aucune dissipation visqueuse, si vous voulez. La publication Princeps, c'est celle de Kapitsa en janvier 39 dans Nature sur les travaux sur la superfluidité. Alors, il faut distinguer la découverte expérimentale, il y a deux laboratoires qui ont découvert que ce liquide était vraiment étrange, de la découverte théorique où on a compris quelle était l'explication de ce phénomène, vous voyez. Alors, pour la découverte expérimentale, c'est encore des histoires d'immigrés, on n'en sort pas. Et donc, il y avait un Russe qui s'appelait Piotr Kapitsa, qui avait commencé par immigrer à Cambridge, chez Rutherford, et qui était une formation d'ingénieur génial, et qui avait été tellement reconnu pour son talent que la Royal Society anglaise, avec à nouveau d'ailleurs le mécénat de M. Robert Mont et de son industrie chimique, là, lui ont construit un laboratoire entier à Cambridge. Et au moment où il commençait à faire de l'hélium liquide, parce qu'il faut toute une machinerie qu'on appelle un liquéfacteur pour ça, c'était le centenaire de Mendeleïev, vous savez, l'homme du tableau périodique. Bon. Et donc, Kapitsa est rentré à ça s'appelait Petrograd, ça allait devenir Leningrad, puis Saint-Pétersbourg, enfin bon. on voit, à propos d'ailleurs, on voit aussi les gens, ces immigrés, ils traduisent leur nom, vous savez, quand ils arrivent dans un pays. Ils ont envie de s'intégrer, quoi. Et donc, ils changent de nom. Donc, par exemple, il y avait un autre des amis qui s'appelait Franz Simon. Bon, ça s'écrit S-I-M-O-N. Donc, on dirait François Simon en français. Mais après, il est devenu anglais. Donc, il est devenu Francis Simon. Et puis, d'ailleurs, même Sir Francis. C'est très touchant de voir comment ces étrangers ont envie de s'intégrer, vous voyez. Bon. Et donc... Kapitsa, donc, il a été séquestré par Staline, qui lui a dit, si vous êtes si fort, vous allez vous mettre au service de l'Union soviétique. Donc, il est resté emprisonné, si vous voulez, ou en tout cas interdit de sortie, en URSS. Et pendant ce temps-là, Rutherford, qui perdait pas le Nord et l'intérêt de la physique, il a invité un autre immigré qui, lui, venait du Canada. Alors, venir du Canada pour aller en Angleterre, c'est quand même plus facile. Et donc cet autre qui s'appelle Jack Allen, il a travaillé sur le même sujet que Kapitsa à Moscou. Donc les relations étaient en fait assez rapides entre Moscou et Cambridge. Et donc ils savaient l'un et l'autre qu'ils étaient en concurrence. Donc on assiste à cette course entre les deux. Et ils publient en même temps, le même jour, dans le même numéro de la revue Nature, deux articles où ils expliquent que ça coule pas comme ça devrait, quoi. Et quels sont les apports justement de Tissa et de London sur ces travaux sur la superfluidité? Et bien justement, eux, c'était deux mois après la publication des articles expérimentaux qui décrivaient des résultats d'expérience, si vous voulez. Là, ça a plongé London et Tissa dans des abîmes de réflexion. Et leur idée, ça a été de dire que tout ça avait un rapport. Alors, les physiciens connaissent ça. Mais d'ailleurs, on avait fait une émission là-dessus avec vous il y a un an. La condensation de Bose-Einstein. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Eh bien, c'est une propriété des systèmes donc quantiques où les atomes sont aussi des ondes et où les atomes se mettent tous dans le même état, comme des oiseaux sur la même branche d'un arbre, la branche du bas de préférence. Et leurs ondes se superposent, ce qui fait que l'ensemble de ces particules devient une onde macroscopique de matière, où les atomes sont indiscernables. Bon, c'est évidemment extrêmement bizarre, au point que Einstein lui-même n'y croyait pas. Il y a toute une histoire pourquoi, progressivement, London a convaincu Einstein que ça existait, que c'était pas une fantaisie d'un calcul raté, etc. On en découvre, bon, comme ça. Je fais la publicité de mon livre, mais enfin, après tout, je suis vous là. Vous voulez me raconter ce ça, qui vous a passionné, c'est passionnant. Mais je trouve ça passionnant, la manière dont ça se passe, quoi. Entre les immigrés acceptés, les immigrés refusés, les immigrés interdits et les immigrés qui sont en danger de mort mais qui s'en sortent quand même. Et qui arrivent à faire de la recherche et qui arrivent à produire de la science et malgré ces conditions-là. Exactement. Et les conditions politiques dans lesquelles ça se passe. Et... Oh là là, quel tsunami. Sébastien Balibar, je vais vous laisser désannoncer ce morceau. Qu'est-ce qu'on vient d'écouter ? Ah, c'est du Scarlatti, mais il y a 457 sonates, donc je ne sais pas quel est son numéro. C'est la sonate en la mineur, qui est interprétée par Vladimir Horowitz. C'est un morceau qui est cher à votre cœur, je crois. Oui, j'aime beaucoup Scarlatti. Oui, il y a différentes interprétations possibles. Et c'est le fait des grandes musiques, d'ailleurs, c'est qu'on peut les interpréter à son goût et qu'il y en a plusieurs. Ouais. Sébastien Balibar, vous êtes notre invité aujourd'hui, physicien au laboratoire Pierre Aigrin d'École Normale Supérieure, membre de l'Académie des Sciences, parce que vous venez de publier chez Odile Jacob « Savant cherche refuge, comment les grands noms de la science ont survécu à la Seconde Guerre mondiale », où on suit les parcours de Laszlo Tisza et de Fritz London. L'un est allemand, l'autre est hongrois. Ils ont fui d'abord l'Allemagne, puis la Hongrie, puis pour arriver en France, nous étions en France, nous les avons laissés en France, ils vont partir après le début de la guerre, ils vont partir parce que les conditions se durcissent, parce que l'air n'est plus bon à respirer pour les scientifiques juifs qui plus est qu'ils sont en France sous le régime qui va devenir celui de Vichy. Oui. Oui, il faut dire que, comme je disais tout à l'heure, dès 1938, en fait, en même temps qu'ils publient leurs premiers articles qui laissent entendre que cette découverte est fondamentale d'un point de vue théorique, bon, les conditions, effectivement, comme vous le dites, se durcissent en France à cause d'un certain nombre de lois et d'ordonnances qui sont prises par le gouvernement Daladier, enfin le énième gouvernement Daladier, et qui progressivement fait comprendre à Fritz London, en tout cas, parce que Laszlo Tisza, lui, il était toujours de bonne humeur, comme si tout allait bien, c'est absolument incroyable. Mais enfin, je l'ai connu et il avait ce sourire aux lèvres en permanence. Bon, mais Fritz London, lui, il était vraiment inquiet, parce qu'il voyait l'antisémitisme se développer et que c'est ça qu'il avait fui en Allemagne et qu'il se rendait compte qu'il avait cru qu'il allait s'installer en France pour toujours. Hein. Il avait demandé la nationalité française, d'ailleurs il l'a pas obtenue, enfin, etc. Bon. Et donc, par exemple, Frédéric Joliot-Curie, Pierre c'est son fils que je connais d'ailleurs et que je salue s'il m'écoute, Frédéric Joliot-Curie a essayé par tous les moyens de retenir Fritz London en France, parce que il voyait bien que c'était vraiment un très grand esprit. Bon. Fritz London avait peur. Il avait peur, il le dit. Il a écrit une lettre dans un français extraordinaire, bon, que j'ai reproduite là, et qu'on lit avec beaucoup d'émotion, où il explique avec une honnêteté extraordinaire à Frédéric Joliot-Curie qu'il comprend tous les efforts que la France fait pour le retenir, mais que c'est pas possible. Il a peur, il a un bébé, il veut s'en aller. Bon. Et donc, il obtient cette possibilité d'un poste de professeur de chimie théorique, d'ailleurs, en Caroline du Nord, à Duke. C'est une université là-bas. Bon. Et donc, il s'apprête à partir. Bon. Pour ça, il réserve un billet pour trois personnes. Sur un bateau qui s'appelait l'Athénée. Et au moment où il arrive, c'était le 1er septembre. Le 1er septembre, c'est le jour où l'Allemagne a envahi la Pologne, 1939. Et puis, au dernier moment, le bateau en question lui dit « Ah, mais vous avez un passeport allemand, donc on vous prend pas. » Donc, il avait plus de bateau. Sous prétexte qu'il avait un passeport allemand dans des conditions que je vous ai déjà expliquées, ce qui est quand même bon. Alors, ce qui se passe, c'est que. Oui, non, je confonds un peu tout. Oui. Bon, enfin, c'est pas grave. Non, mais c'est. Bon. Et donc, le 3 septembre. Ah oui, le 2 septembre, Fritz London trouve des places sur un autre bateau qui s'appelle l'Île de France et qui lui part de Southampton en Angleterre. C'est ça. Bon. Et le 3 septembre, donc c'est 1, 2, 3 septembre. C'est la déclaration de guerre. C'est la déclaration de guerre par les Anglais le matin, par la France l'après-midi. Et à 21h, un des sous-marins allemands qu'on appelait des U-Boote, bon, torpille le bateau sur lequel London et sa famille auraient dû être. Et donc, il s'est échappé par miracle, et il est arrivé sain et sauf avec sa femme, son petit garçon, aux États-Unis. Il a trouvé son poste de professeur en Caroline du Nord. Bon. Quant à Laszlo Tisza... C'est plus compliqué. C'est plus compliqué. D'abord, il était moins connu, donc il n'avait pas une offre comme ça aux États-Unis. Et pour aller avoir un visa, c'était très compliqué. Mais il avait eu la prudence de demander un visa plusieurs années avant. Il avait communiqué son adresse. Il s'était échappé à Toulouse avec la famille Adamar. Alors Adamar, un grand mathématicien, professeur au Collège de France. Bon, dans des circonstances qu'une fois de plus, je raconte. Bon. Et donc, il était à Toulouse. Et par miracle, malgré l'aggravement considérable de la situation, surtout des Juifs étrangers en France en 1940, puis en 1941, ça devenait vraiment très, très grave. Hein, bon, il a reçu son visa. Donc, il a obtenu le droit d'aller jusqu'à Marseille chercher son visa, ensuite de traverser l'Espagne pour arriver à Lisbonne et à prendre là-bas un bateau qui l'a emmené... Alors en fait, il avait lui aussi échappé de par miracle à la mort, parce que, et ça va être important pour la suite de notre conversation, je crois, Laszlo Tisza, il a voulu absolument aider son pays d'accueil, c'est-à-dire la France. Et pour ça, il s'est engagé dans la Légion étrangère. Comme beaucoup d'autres juifs, surtout étrangers à l'époque, enfin étrangers, oui, justement, non seulement parce qu'ils voulaient aider leur pays d'accueil, mais aussi parce qu'ils voulaient se protéger en montrant leur patriotisme contre d'éventuelles persécutions. Alors, il était donc dans la Légion étrangère, et ce bataillon qui s'appelait le 22e RVPE, ou un nom comme ça, a été mis en première ligne, évidemment, en juin 40, pour s'opposer au Panzer allemand, et a été entièrement démoli. Et donc, quelques mois avant, deux mois avant, Laszlo Tisza avait été réformé. Pourquoi ? Parce que sa mère prétendait que les mathématiques lui donnaient une maladie de cœur, et il avait effectivement une maladie de cœur. Et donc, on a retrouvé, grâce à Diane Dossot, que je veux citer ici, qui est une historienne des sciences, archiviste absolument extraordinaire, qui m'a énormément aidé dans la recherche de documents pour tout ce livre. Diane Dossot a retrouvé son livret militaire, et son livret militaire dans les archives de la Légion étrangère. Faut le faire, hein, elle est vraiment très, très, très efficace, hein, Diane. Il y a marqué que c'est parce qu'il a une maladie de cœur qu'on ne veut pas de lui. Et donc, c'est grâce à ça qu'il n'a pas été écrabouillé, excusez-moi, écrasé par les panzers allemands. Il va réussir à s'enfuir finalement grâce à un hydravion pour faire la liaison vers New York. Non, ça c'est un peu autre chose, parce que c'est l'époque où effectivement, grâce à un hydravion, il y a des liaisons aériennes qui sont créées entre l'Europe et l'Amérique, qui permet d'échanger du courrier beaucoup plus vite qu'avant, quoi. Mais il part en bateau, oui, sur un bateau qui s'appelait le Serpa Pinto. Oui. Un mot, parce qu'il nous reste une grosse dizaine de minutes, peut-être un mot tout de même, puisque vous abordez aussi quelque chose d'important et d'intéressant, même si du coup on perd un peu ces deux personnages, quoique London est toujours gravite dans cette histoire-là, c'est l'histoire de la bombe. C'est-à-dire de dire comment les Américains et comment les chercheurs, et notamment les chercheurs réfugiés, ont conscience que l'Allemagne cherche à produire une bombe, à travailler sur la fission, des mines en Afrique, et essayer de devancer en tout cas les pays occidentaux. Alors, effectivement, en me renseignant sur toute cette période, je suis arrivé à la bombe atomique. Pourquoi ? D'abord, j'ai été alerté par le fait que certains de ces immigrés voulaient se protéger en s'engageant au service de leur pays d'accueil. Et j'ai trouvé beaucoup d'exemples comme ça. Par exemple, il y a certains d'entre eux, chimistes, ont fait du caoutchouc synthétique parce que les Japonais avaient envahi les plantations d'EVA en Indochine, je crois. Bon. Mais le plus important, bien sûr, c'est l'histoire de la bombe atomique qui a complètement chamboulé l'équilibre mondial. Bon. Alors, comment ça s'est passé ? Eh bien, c'est encore des immigrés. Alors, je prononce ça dans le sens suivant. À la fin de l'année 1938, des chercheurs allemands à Berlin, à savoir Otto Hahn et son étudiant qui s'appelait Schwarzmann, un nom comme ça, ont découvert qu'en bombardant des atomes, des noyaux, disons, d'uranium-235, c'est l'un des isotopes, qui s'appelle comme ça, il y avait une réaction qui se passait, qui fracturait le noyau de cet uranium-235, qui est très gros, mais qui produisait des beaucoup plus petits atomes. Il comprenait pas pourquoi. Alors Otto Hahn, il avait l'habitude de travailler avec une femme absolument remarquable qui s'appelait Lise Meitner, et qui était la théoricienne, elle. Sauf qu'elle, elle était juive. Enfin, considérée comme telle, bien sûr. Bon. Et donc, elle s'était enfuie en Suède. Et elle avait un neveu qui s'appelait Otto Frisch, qui travaillait par là lui aussi. Bon. Et donc, fin 1938, ils se sont réunis chez Niels Bohr à Copenhague pour essayer de comprendre ce que c'était que cette réaction nucléaire. Et c'est les théoriciens, Lise Meitner et Otto Frisch, qui ont compris ce que c'était qu'une réaction en chaîne qui peut devenir explosive si ça continue comme ça, parce que chaque réaction produit 3 neutrons alors qu'il n'y en a qu'un seul qui a créé la fission en question. Bon. Et donc, ceci a été assez rapidement connu, en particulier en Angleterre grâce à Otto Frisch et aussi aux États-Unis. Et donc, les scientifiques ont alerté leur gouvernement, en Angleterre d'abord, qui ont réagi le plus vite, en créant le programme, non pas PAUSE, mais MAUDE. Bon. Et puis aux États-Unis, progressivement, grâce à l'intervention d'Einstein. Alors, c'est les amis de Tissa qui sont allés voir Einstein. Ils ont écrit une lettre célèbre à Roosevelt, qui a pris conscience, et progressivement, grâce à des quantités d'autres réfugiés, dont Enrico Fermi à Chicago, etc. Bon, c'est l'histoire du projet Manhattan. Qui a fini par créer une industrie monumentale pour la construction d'une bombe atomique, et ils l'ont faite en moins de 2 ans. Et ça a abouti à Hiroshima, Nagasaki. Et là, c'est très intéressant de comprendre quelle est la responsabilité de chacun, quelle est celle des scientifiques dans tout ça. Alors, j'ai pas le temps de vous expliquer ça, et puis c'est très délicat, donc vous n'avez qu'à lire mon livre. C'est dans le livre, et puis deux, je pense qu'il y aura une émission entière à faire sur cette question de la bombe atomique et de la contribution justement des scientifiques, et notamment des scientifiques migrants autour de cette question de la bombe atomique. Mais là, il faut qu'on arrive, puisqu'on arrive à la fin de cette émission, on va parler de ce programme PAUSE, qui est aussi aujourd'hui ce programme d'accueil qui a été initié en 2017, d'accueil des scientifiques étrangers. Peut-être le plus simple pour en parler, c'est d'entendre parler l'un de ces scientifiques que nous sommes allés interroger. Antoine Beauchamp, vous êtes justement allé à la rencontre précisément d'un chercheur turc, qui bénéficie de ce programme. Bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, je suis allé à la rencontre d'Engin Sustam, qui est un sociologue kurde qui a dû fuir la Turquie d'Erdogan, où il était menacé de plusieurs peines d'emprisonnement pour ses travaux sur les Kurdes. Engin Sustam bénéficie depuis 2017 du programme PAUSE, ce qui lui a permis d'être professeur associé à l'université Paris 8. Alors, si ce programme lui a permis de continuer à faire son travail pendant 2 ans, il s'inquiète aujourd'hui de l'avenir et de la vie après le programme PAUSE, qui arrivera pour lui à échéance en 2019. J'étais d'abord invité par l'université de Mardin Artuklu au Kurdistan, Turquie, pour créer le département de sciences politiques. Ankara, on dit symboliquement, Ankara m'a pas donné ma poste. Et tout de suite, je me suis attaché à une université privée. Et un an après, je me suis limogé de cette université en tant qu'activiste kurde qui travaillait sur la question kurde. Je suis ciblé comme un sociologue pro-kurdisé, qui disait en turc, culture sociologue. Donc finalement, en raison de ce campagnement de lynchage par des étudiants ultranationalistes, là je suis limogé de ma première université aussi, qui s'appelle l'université de Mardin Artuklu, qui on s'est mis en fait en procès. J'ai gagné le procès, mais je ne suis pas retourné. Et j'étais attaché de la deuxième université à l'université du 29 mai. Donc, dans cette université, à cause de la raison de la pétition des universités pour la paix, je suis limogé la deuxième fois. Donc, finalement, j'ai donné des cours aussi dans l'université des Beaux-Arts de Mimarsinan à Istanbul, qui voulait m'engager au sein de cette université, que encore, j'ai pas eu en fait cette chance en raison de la pétition. Voilà. À partir de quel moment est-ce que vous vous êtes dit « il faut que j'aille trouver ma chance ailleurs » et comment est-ce que vous avez entendu parler du programme PAUSE ? Écoutez, il y avait plusieurs problèmes en ce moment-là, qu'on était en Turquie en fin de 2015. Et donc, il y avait plusieurs amis qui étaient... ils sont rentrés en fait en prison, des avocats, des intellectuels, des journalistes, des députés à l'époque. Et puis, donc, moi, j'avais entendu parler qu'il y avait un procès qui est ouvert par le gouverneur de Diyarbakir, la région kurde, qui moi j'avais participé à une conférence à l'université de Dijde sur l'autogestion, la démocratie radicale au Moyen-Orient. Donc en raison de participer à cette conférence, et en raison de mes paroles pendant cette conférence, et j'ai eu un procès qui m'accuse, traite de la patrie, donc qui demande en fait une accusation de 15 ans de prison. Et là, en raison de cela, en fait, il y a un ami qui avait déjà mis en fait en contact à l'université de Genève. Et l'université de Genève m'a invité très vite. Que moi, je suis parti en exil juste 2 mois après la pétition, c'est-à-dire c'était mars 2016. Voilà. Donc, j'ai dû fuir un peu, entre guillemets. Oui, vous avez fui du coup vers Genève d'abord, ensuite la France. Quand est-ce que vous êtes arrivé en France et comment finalement ça s'est passé avec le programme PAUSE ? Moi, j'avais 2 possibilités de rester ici, survivre ici en Europe. Soit je vais demander en fait l'asile politique. Mais là, on a choisi plutôt de se marier avec ma femme française. On s'est décidé de se marier, de rester ici en France plutôt. Donc finalement, moi j'ai demandé le programme PAUSE, mon dossier, qu'ils ont accepté. Et l'université Paris 8 a accepté, m'engager. Donc depuis 2017, je suis là en France et j'ai un enfant qui est né en exil. Je profite en fait de ce programme pour 2 ans et finalement ça va terminer bientôt, je pense que fin août, que ça va terminer. Il faut qu'on trouve quelque chose pour sécuriser entre guillemets mon avenir ici. Là, en même temps, j'ai demandé aussi une qualification pour devenir maître de conférence, que j'étais maître de conférence en Turquie. Et puis j'ai envie de développer un projet à CNRS pour devenir chercheur ou chargé de cours ou maître de conférence ici en France. J'ai les capacités, mais si j'ai la possibilité de devenir enseignant ici en France, je serais très content, je pense, que de vivre ici en France au lieu de survivre. Alors, quelles difficultés vous rencontrez justement au quotidien en tant que chercheur exilé dans votre cadre professionnel ? quels sont voilà, les obstacles auxquels vous vous heurtez et voilà, est-ce que ce programme POSE vous permet de surmonter ces obstacles facilement ou au contraire, est-ce qu'il y a toujours quand même cette situation qui vous est renvoyée ? Écoutez, notre situation est assez précaire. J'ai des stress énormes pour l'avenir. Quand vous avez un enfant qui est né ici, il y a une autre responsabilité qui commence. Et le problème, je pense, c'est plutôt la poste. La recherche qu'on essaye de faire ici, et de rester sur la ligne universitaire, de continuer de produire du savoir ici, qu'on a un bagage énorme en socio, en philo, en sciences de l'éducation, en sciences politiques, etc. Mais là, le programme nous donne juste un soufflement assez précaire. Et après, qu'est-ce qu'on va devenir, on ne sait pas. Et donc, finalement, moi, je connais certains amis collègues qui n'ont pas déjà la langue française, qui ont un grand problème de leur intégration ici à la vie quotidienne, qui n'est pas le cas de notre part. Et de mon part, en fait, la difficulté, c'est exactement d'avoir une poste ou vraiment de sortir de cette situation précaire, insécuritaire. Je ne sais pas quoi devenir, je ne sais pas ma vie va orienter où l'année prochaine. Il y a une grande question qui nous inquiète, qui nous donne vraiment une pathologie énorme. Le problème, ici, il y a un moment en enfermement académique ou universitaire en France qui ne nous permet pas aux étrangères de faire leur mieux. Donc, en raison de tout cela, voilà, cette précarité et aussi la situation politique que là nous engage de devenir une autre personnalité, je pense. Hein. Mais moi, je dis que si je n'arrive pas à trouver vraiment une pause au sein de l'université, je pense que je vais travailler dans n'importe quel boulot. On est là ici maintenant. Qu'est-ce qu'on va devenir ? La question est à poser, je pense, au gouvernement Macron. Voilà le programme POSE qui, pour le coup, effectivement, permet de faire une pause, mais la pause s'interrompt et on entend ce chercheur Sébastien Balibar, Engin Soustam, qui s'interroge sur l'abandon de sa carrière scientifique pour pouvoir juste subvenir à ses besoins et ceux de sa famille. C'est très difficile, hein, c'est le cas typique. Bon, revenons un tout rapidement en arrière. On a quelques secondes, mots. Bon, ça a été fondé en 2016. Je fais partie du comité de parrainage, donc on évalue l'urgence et la qualité du travail scientifique. On a des gens qui viennent depuis l'Afghanistan jusqu'au Venezuela, en passant bien sûr par le Moyen-Orient qui est ravagé par les bombes, et la Turquie où il y a des problèmes politiques abominables, en particulier à l'égard de tous ces gens qui ont juste signé une pétition et qui se voient supprimer leur passeport, etc. Alors, on a très vite eu beaucoup de succès. On a été soutenu très vite par le gouvernement précédent et ça a été continué par le gouvernement actuel. Et puis maintenant, on a réussi à obtenir un soutien de l'Europe, ce qui nous permet de... Parce qu'il s'agit d'aider des gens à se reconstituer une carrière pour trouver un emploi. Et donc maintenant, on peut leur donner... Un an, c'était pas suffisant. Donc 2 ans, on y arrive assez bien. On contrôle ce qui se passe. Mais grâce à tout ça, on a sauvé des centaines d'immigrés venant de tous ces pays et qui sont en grand danger. Voilà. Voilà, et puis on va vous mettre le lien vers l'émission que nous avions consacrée justement avec quelques-uns de ces chercheurs à ce programme POSE, qui est effectivement peut-être pas suffisant, mais en tout cas qui est déjà au moins un jalon, une étape pour ces chercheurs qui fuient leur pays d'origine. Merci beaucoup Sébastien Balibar d'être venu nous parler de votre livre, et on l'a entendu, il y a plein de choses à fouiller encore. Allez donc vous procurer Savants Chercheurs Refuge, comment les grands noms de la science ont survécu à la Seconde Guerre mondiale. C'est aux éditions Odile Jacob, qu'est-ce qui se passe ? La pauvre Odile Jacob, bien entendu, que nous défendons régulièrement dans cette émission. Et puis un mot pour vous dire que samedi, après-demain, venez donc passer la journée avec nous dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne pour le forum France Culture, l'année vue par les savoirs. Nous allons nous poser la question en philosophie, en histoire, en culture, en science, évidemment, de comment vivre dans un monde à plus de degrés. C'est gratuit, mais il faut réserver obligatoirement sur franceculture.fr. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. C'était Pascal Baudin, la technique. Demain, c'est un autre auteur que nous allons recevoir, un romancier, dessinateur, une plume inclassable de la science-fiction française que nous sommes très contents d'accueillir au micro de la méthode scientifique. Philippe Curval sera notre invité demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.